Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons continuer notre étude sur le chapitre des paraboles et nous allons regarder la première parabole qu'on appelle aussi la parabole du semeur. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous instruis. Tu nous instruis afin qu'on, comme on a vu hier, qu'on comprenne le mystère du royaume de Dieu. Ô Seigneur, c'est un grand bonheur, une grande joie de savoir que Dieu règne sur nous. Que tu es notre Seigneur, que tu es notre roi, que tu es notre maître. Que celui que tu es celui qui gouverne nos vies, qui dirige nos vies, qui guide nos vies. Afin qu'on puisse te servir, afin qu'on puisse t'adorer, te louer. Ô Seigneur, apprends-nous aussi à comprendre ce matin ce que tu veux nous instruire sur la parabole du semeur. Amen. Donc, je résume un petit peu ce qu'on a vu hier, les paraboles. On a vu qu'il y avait trois buts. Premier but, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner le mystère du royaume de Dieu. Et on a vu aussi qu'un deuxième but, c'est pour empêcher certains de comprendre et c'est pour aider à d'autres à comprendre. Donc, ceux que lui a choisis vont comprendre le royaume de Dieu. Pour d'autres, c'est caché. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils ne perçoivent pas, excusez. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Ça, c'est le deuxième but. Ça sépare entre ceux du dedans et ceux du dehors. Et ensuite, on a vu que le troisième but, c'est d'emmener les disciples à venir vers Jésus pour la compréhension des paraboles. Parce qu'on a vu qu'en particulier, il fait comprendre, il aide à comprendre aux disciples les paraboles. L'homme, sans l'aide de Jésus-Christ, et aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de comprendre les Écritures. L'être humain, même qui serait le plus intelligent, avec le plus gros quotient intellectuel, ne peut pas comprendre le côté spirituel des paraboles. Ça nous demande cela, que l'être humain est un pécheur, l'être humain est séparé de Dieu, l'être humain ne comprend pas les choses de Dieu par lui-même. Ça y prend un aide extérieur, et pendant que Jésus était vivant, c'était lui, et maintenant qu'il est parti au ciel, il dit « je vais vous envoyer un autre personnage, un autre consolateur, un autre personne comme moi, qui est le Saint-Esprit. » Ce matin, nous allons regarder ensemble la parabole du semeur. Et nous allons lire la première partie qui est la parabole. Puis après ça, on va lire une deuxième partie qui est l'explication de la parabole. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait, qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la parabole en tant que soi. Une histoire qui était très commune, que je pourrais dire presque tout le monde, même les citadins, en ce temps-là, avaient déjà vu faire. C'est un homme dans un champ quelconque en train de d'ensemencer son champ. Et on ensemençait à ce qu'on appelle à la volée. Donc, ils prennent du grain dans les mains et ils le lancent, et ils le lancent partout où est-ce que le champ a été labouré ou est hercé, préparé pour la semence. Donc, il dit, pendant que cet homme-là, ce semeur, sème sa semence, il va en tomber. Il ne plante pas un à un comme on fait dans un rang de jardin. Il lance ça à la volée. Donc, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont être poussés un peu par le vent, donc il y en a qui vont tomber dans quatre sortes de terrain que lui mentionne ici. Et c'était très facile à comprendre pour quelqu'un qui était là. Donc, il y en a qui tombaient un petit peu sur le sentier, sur le chemin, hein? Et ça tombe pas parce que sont faciles à voir. Donc, les oiseaux viennent puis ils picorent, ils mangent toutes les petites graines qui sont dans le chemin. Il y a une autre partie qui tombe sur un endroit pierreux. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas épais de terre. La roche est très proche de la surface. Il y a très peu de terre. Il y en a d'autres qui tombent parmi les épines, parmi les mauvaises herbes. Et il y en a un autre qui tombe dans la bonne terre, finalement. Et donc, il y a quatre sortes de terres, quatre sortes de terrains sur lesquels va tomber la semence. Tout le monde, du temps de Jésus, et moi qui étais cultivateur, j'ai semé à la volée aussi, je peux m'identifier facilement avec cela et comprendre cela. Tout le monde pouvait comprendre, ceux du dedans qu'on a vu hier, ceux du dehors, comprenaient cela. Mais c'est l'enseignement spirituel que les gens ne comprennent pas tous. Mais Jésus dit au verset 9 que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. On a vu hier qu'il y en a qui ont des oreilles mais qui ne comprennent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils voient, mais ils ne perçoivent pas. Donc Jésus appelle ici à un groupe de personnes, il dit, ceux d'entre vous qui ont des oreilles pour entendre, entendez ce que je dis. Il y en a d'autres qui n'entendront pas plus que l'histoire. Ils n'en saisiront pas le sens spirituel. Ils ne comprendront pas le mystère du royaume de Dieu. Regardons maintenant l'enseignement que Jésus fait, l'explication qu'il va donner en particulier, on a vu, à ses disciples. Du verset 10 au verset 13, on a vu ça hier, les disciples viennent et ils lui demandent qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi qu'il enseigne par parabole et qu'est-ce qu'il veut dire par cette parabole du semeur? Donc, regardons l'explication que Jésus donne de l'enseignement de la parabole du Seigneur. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin et la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et l'enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils l'entendent, la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Donc, il est facile à voir que nos quatre terres de tout à l'heure, c'est quatre groupes de personnes différentes. Jésus commence par dire, le semeur sème la parole. Donc, la parole de Dieu est semée. Et si on prend l'ensemble du chapitre 4, et même si on prend du verset chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, la parole, celui qui le semeur ici, c'est Jésus. Jésus enseigne la parole de Dieu, enseigne l'évangile de Dieu, enseigne le mystère du royaume de Dieu à travers ces paraboles-là. C'est lui, le semeur, et la parole, c'est son enseignement. Hein? C'est comme ça. Donc, Jésus enseigne la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, le royaume de Dieu, les vérités célestes aux foules qui sont devant lui. Et là, il dit, il y en a un groupe qui reçoit la parole que j'enseigne, et aussitôt Satan vient et enlève la parole qui est en eux. Donc ça, c'est le premier groupe. Ils entendent, sont là, sont présents, ils ont suivi Jésus, ils ont entendu la parole, Satan vient et enlève la parole, et c'est terminé pour eux autres. Ça va pas plus loin. Et beaucoup de gens vont entendre la parole de Dieu, prêcher, chanter sur la télévision, sur la radio, sur des CD, sur Internet maintenant. Beaucoup de gens vont entendre la parole de Dieu, mais Satan vient avec des faux raisonnements, avec des mensonges, à travers d'autres gourous, d'autres enseignants, et enlève la vérité. Ces gens-là peuvent entendre la parole de Dieu toute leur vie et jamais se convertir et jamais avoir le pardon de leurs péchés. Il faut juste entendre. Des belles histoires, ils aiment ça, mais ça va jamais aller plus loin. Le deuxième groupe, eux autres aussi reçoivent la parole de Dieu. Et ils sont contents de l'entendre, sont heureux de l'entendre. Mais va survenir des persécutions et des tribulations à cause de la parole de Dieu, à cause qu'ils veulent recevoir cet enseignement-là, à cause qu'ils vont peut-être dire que Jésus est le Messie, qui est celui que Dieu a envoyé, mais les persécutions de la famille, des proches, des amis, des couvriers, des amis étudiants, tous ces gens-là vont venir, ils vont amener de la persécution, ils vont amener de la tribulation dans la vie de celui qui a accepté avec joie l'enseignement de Jésus. Mais il manque de persistance. Il abandonne. Comment ça peut prendre de temps à abandonner? Certains, ça peut prendre une semaine. D'autres, ça peut prendre un mois. D'autres, ça peut prendre 3 ans. On voit, dans les évangiles, on voit qu'il y en a qui vont suivre longtemps Jésus. Longtemps. Hop, à un moment donné, ils disparaissent. Il y en a un autre groupe qui va suivre encore plus longtemps. Oups, ils vont disparaître. Et beaucoup vont suivre Jésus longtemps. Et quand Jésus va arriver à la croix, oups, ils vont disparaître. Celui qui ne persiste pas jusqu'à la fin ne se convertira pas et n'aura pas le pardon de ses péchés. On appelle ça des fois dans d'autres passages la persévérance des saints. Les croyants vont persévérer jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. » Si, pour une raison quelconque, que tu abandonnes, moi j'ai vu des hommes, des femmes qui ont abandonné l'évangile, qui ont rejeté l'évangile à cause de la persécution, de la tribulation d'un conjoint, ou des enfants, ou des parents. Ils considèrent que leurs amis sont plus importants que l'enseignement de la parole et abandonne la parole au détriment des amis. Le troisième genre de groupe qu'il y a là, qui entendent la parole de Dieu, c'est les autres, ils la reçoivent parmi les épines, parmi les mauvaises herbes. Et ça va croître. Et donc, pendant un temps, on a l'impression que il va vraiment comprendre, ils vont vraiment continuer, ils vont vraiment persister, mais les mauvaises herbes aussi poussent et finalement étouffent la semence et elle ne portera jamais du fruit. Et Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui vont entendre la parole de Dieu, mais à cause de leur désir des richesses, à cause de leur désir, de leur convoitise, ils vont jamais porter du fruit. Moi, je crois qu'il y en a des grandes parties des foules qui sont venues auprès de Jésus venaient à cause de leur convoitise. Ils voulaient guérison. Ils voulaient prospérité. Ils voulaient avoir les démons chassés. Ils convoitaient quelque chose au lieu de convoiter quelqu'un qui était Jésus-Christ. Au lieu de convoiter le royaume de Dieu, ils convoitaient autre chose. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu, mettons, cherchez d'abord le royaume de Dieu, que ce soit votre priorité. Les autres choses, c'est secondaire. Mais eux autres, ils voient le royaume de Dieu, ils voient l'enseignement de la parole de Dieu comme de la convoitise. Hein? Judas est un bel exemple de cela. Il suivait Jésus à cause de la convoitise du royaume de Dieu. Ils voient le royaume de Dieu comme étant quelque chose qui va leur apporter à eux quelque chose. Et ils abandonnent finalement, ils ne vont jamais porter du fruit. Le fruit du royaume de Dieu, le fruit de celui qui se convertit, le fruit de celui qui a le pardon de ses péchés, il ne portera jamais ça. Il est là pour lui. Et le royaume de Dieu est là pour lui. Le royaume de Dieu est là pour combler ses convoitises. Ou ben non, à cause des convoitises de ce monde, il va complètement abandonner, puis il va s'en aller. Vers son argent, vers ses richesses, vers ses maisons. Et des fois, je me demande, j'entends beaucoup de choses parmi ceux qui se disent croyants. Et j'écoute leurs prières, j'écoute leurs requêtes, j'écoute pourquoi ils viennent auprès de Dieu. Et c'est des convoitises. Ils veulent protection, ils veulent guérison, ils veulent de l'argent, ils veulent de la prospérité, ils veulent des jobs, ils veulent une femme, ils veulent des enfants. Ils sont toujours là parce qu'ils veulent que leur Dieu, leur Jésus, leur donne ce qu'ils veulent. Donc, ils ne portent jamais de fruits. Et c'est pour ça que j'ai vu, vous avez probablement vu, beaucoup de gens qui abandonnent la foi chrétienne parce que Dieu leur donne pas ce qu'ils veulent. Et finalement, vous avez le quatrième groupe de personnes, c'est ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Pourquoi qu'on sait que c'est de la bonne terre? Parce qu'elle porte du fruit. Certains grains vont produire finalement 30 grains. D'autres grains, l'épi va être plus grande, ça va être 60 grains. D'autres grains vont produire un épi qui est encore plus grand, qui va avoir 100 grains dessus. Ils portent du fruit pour le royaume de Dieu. Quel est donc ce fruit? Quel est donc le fruit de ceux qui se sont convertis ou qui se sont repentis? Quel est donc le fruit de ceux que leurs péchés ont été pardonnés afin qu'ils puissent faire partie du royaume de Dieu? Personnellement, je crois que le fruit que tous les croyants vont porter, c'est qu'ils vont glorifier Dieu. Ils vont adorer Dieu. Ils vont louer Dieu. Ils sont là pour Dieu. Ils vivent pour Dieu. Ils se soucient de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas une source de gain. C'est une source de privilège pour adorer, louer, servir le Dieu qui les a sauvés, le Dieu qui leur a pardonné. Ce Dieu qui les a choisis pour faire partie du dedans. Donc, la parabole du semeur est là pour démontrer que quand la parole est enseignée, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Mais pour comprendre cet enseignement-là, il faut que Jésus explique, comme on a vu hier, et c'est ce qu'il vient de faire avec ses disciples, il leur a expliqué la parabole du semeur. C'est certainement qu'est-ce qui nous interpelle. Dans quel groupe est-ce que je suis? Dans quel groupe? Il y en a juste un qui est correct. C'est celui qui porte du fruit dans la bonne terre. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné cette explication. Merci de nous avoir montré que la grande majorité de ceux qui vont entendre la parole vont jamais porter de fruits. C'est pas ceux qui entendent la parole qui est le plus important. Mais c'est ceux qui, après l'avoir entendue, elle porte en eux du fruit pour la gloire de Dieu. Ceux qui sont de la bonne terre vivent pour Dieu, vivent pour le royaume, vivent pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus.